Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'âge d'or de la politique étrangère canadienne dans les années d'après-guerre. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you. We're back. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, le soir de son élection, le 20 octobre 2015, Justin Trudeau annonce ce soir-là ce qu'il appelle le retour du Canada sur la scène internationale. Il faut dire que tout au long de la campagne électorale qui va le mener au pouvoir, Justin Trudeau a accusé ses adversaires conservateurs d'avoir en quelque sorte interrompu une longue tradition canadienne en matière de politique étrangère, une tradition ayant fait la fierté des Canadiens et que Justin Trudeau a toujours cherché à associer à son parti, le Parti libéral du Canada. Mais au-delà de la simple joute politique, à quoi correspond cette tradition diplomatique canadienne et comment décrire ce que certains ont appelé l'âge d'or de la politique étrangère canadienne dans les années d'après-guerre? Mesdames, Messieurs, jeudi dernier, j'avais l'insigne honneur de représenter le Canada à un événement historique attendu depuis longtemps par les peuples du monde, l'ouverture de la première session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les délégués réunis à Londres n'ont pas oublié les circonstances dans lesquelles l'idée des Nations unies a été conçue. La présence de représentants de pays tels que la Chine, la Tchécoslovaquie, la France et la Pologne nous rappelle l'agonie inouïe que les peuples d'Europe et d'Asie ont souffert durant ces années tragiques. Le nom même des Nations unies nous rappelle l'alliance forgé à l'enclume de la guerre. Enfin, l'endroit de notre réunion, Londres, cité historique au visage cicatrisé de tant de blessures de guerre, nous rappelle l'importance de notre tâche. C'est à Londres, en 1946, qu'a lieu la première session de l'Assemblée générale des Nations unies, où Louis Saint-Laurent, qu'on vient d'entendre, représente le Canada comme secrétaire d'État aux affaires extérieures à l'époque. Louis Saint-Laurent, qui va devenir plus tard premier ministre du Canada. Il va jouer un rôle de premier plan, Louis Saint-Laurent, dans ce qu'on va appeler plus tard l'âge d'or de la politique étrangère canadienne. Pour nous parler de cet âge d'or, de ce soi-disant, diraient certains, de ce soi-disant âge d'or de la diplomatie canadienne, je reçois Stéphane Houssel, qui est directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, qui est professeur aussi à l'École nationale d'administration publique. Stéphane Houssel, bonjour. Bonjour. D'où vient d'abord cette fameuse expression d'âge d'or de la politique étrangère canadienne? Ça évoque quoi, précisément? En fait, on va d'abord dire que c'est une mauvaise traduction du terme en anglais « Golden Age of Canadian Foreign Policy ». Donc, on l'a traduit en français comme ça, même si ça n'a pas exactement le même sens. Mais essentiellement, c'est une période qui s'étend du milieu de la Deuxième Guerre mondiale, 1943, peut-être 1944, jusqu'à 1957, donc jusqu'à l'élection du gouvernement de John Diefenbaker, au cours de laquelle les Canadiens vont être très actifs sur la scène internationale. Ils vont exercer une influence qu'ils n'avaient jamais eue jusque-là et qu'ils n'auront probablement jamais par la suite. Oui. Ils vont notamment participer de manière très active à la création d'organisations internationales très importantes, dont les Nations unies, dont l'Alliance atlantique ou l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, aux efforts de désarmement, aux premières tentatives d'aide au développement et même les missions de maintien de la paix. Oui. Quelle place? Puis évidemment, tout de suite, à côté de cet âge d'or, il y a quelques noms, dont celui de Lester B. Pearson, puis on va en parler au cours de l'émission, mais je nomme tout de suite son nom parce que ça fait partie de du même imaginaire collectif. Quelle place ça occupe encore, cet âge d'or-là, dans notre psyché collective canadienne, dans la façon dont on se voit comme pays et la façon dont on voit notre rôle comme pays sur le plan international? C'est la période mythique. Effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler le bon vieux temps où les choses allaient bien, où le Canada avait vraiment une influence sur la scène internationale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens comme Justin Trudeau ou sa ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, font souvent référence à cette période-là. Ils s'en réclament. Et absolument, ils s'en réclament et ils s'en servent aussi comme étalon, c'est-à-dire on se compare par rapport à cette époque-là en disant mais la politique étrangère doit redevenir ce qu'elle était à cette époque-là, on doit avoir la même influence, le même rayonnement. Et aussi, c'est pour les Canadiens la manière de se définir, de définir leur place dans le monde. Ouais. Quelle est l'identité canadienne? Comment elle se démarque, par exemple, des États-Unis? Qui sont les Canadiens sur la scène internationale? Et des symboles comme le maintien de la paix ou la participation aux Nations Unies, c'est des éléments très importants de cette mythologie-là. Ouais, puis si c'est important pour nous, comme Canadiens, c'est aussi, il faut bien dire les choses comme elles sont, que cette politique-là a peut-être permis au Canada d'avoir une place qu'un pays d'importance moyenne, qu'est le Canada, n'aurait pas eu sans cette stratégie-là. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, la notion même de puissance moyenne fait partie de cette méthodologie. Ouais. On entendait Louis Saint-Laurent au tout début de l'émission, qui a participé donc à la première session de l'Assemblée générale des Nations unies à Londres en 1946. La création de l'ONU, la figure d'un Louis Saint-Laurent, vont être très importantes dans ce grand réveil diplomatique des années d'après-guerre. On écoute un extrait du documentaire de Tina Violienne pour éloigner les éléphants, diffusé au Beau Dimanche en 1986. Vous allez y entendre le premier ministre Mackenzie King lors d'un discours à l'ONU en 1946, puis ensuite Dale Thompson, qui a été secrétaire de Louis Saint-Laurent. Le peuple canadien est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le monde ne soit pas englouti une troisième fois dans un raz-de-marée de despotisme. By a tidal wave of savagery and despotism. Mackenzie King avait personnellement quelques doutes à propos des Nations Unies, mais son ministre des Affaires extérieures, Louis Saint-Laurent, et les jeunes hommes brillants qui l'entouraient se sentaient profondément engagés. Monsieur Saint-Laurent avait une attitude beaucoup plus positive. Il s'identifiait avec une plus jeune génération, celle de Norman Robertson, de M. Pearson, un certain nombre d'autres individus qui voulaient vraiment assurer la paix en faisant des Nations Unies, qui s'établissait à ce moment-là, vraiment l'instrument de la paix mondiale. Et particulièrement en faisant des Nations Unies la pierre angulaire de la politique extérieure du Canada. Alors, quelle importance, Stéphane Roussel, a la création des Nations Unies dans la définition de cette nouvelle politique étrangère canadienne? Et quelle importance aussi a le contexte de la Deuxième Guerre mondiale dans ce rayonnement nouveau qu'aura le Canada sur la scène internationale? Si on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période de prise de conscience pour les Canadiens. Prise de conscience, d'abord, qu'ils ont des intérêts internationaux, qu'ils sont affectés par ce qui se passe dans le monde. Ils ne peuvent plus s'isoler, ils ne peuvent plus non plus se cantonner dans l'Empire britannique. Ils doivent s'ouvrir sur le monde. Ils savent que ce qui se produit dans le monde a un impact chez eux. Et on se pose la question de savoir quelle est la meilleure manière d'influencer le système international et d'assurer une forme de stabilité qui correspond aux intérêts du Canada. La réponse, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc, une organisation dans laquelle les États sont des égaux, si vous voulez, où chacun a un vote, chacun peut exercer une influence, on peut se réunir en coalition pour discuter, pour tenter de régler le problème. C'est une vision très idéaliste des relations internationales, mais c'est celle qui porte largement cette idée qui se met en place. Et concrètement, ça veut dire aussi, il ne faut pas oublier d'où on part. D'abord, on a participé à la guerre de façon importante, à la Deuxième Guerre mondiale, donc on se dit, on a participé, on a droit au chapitre. Il faut Exactement. Qu'on soit entendu. Et puis, c'est une façon aussi, faut dire les choses encore là comme elles sont, de s'éloigner du Royaume-Uni. L'ONU, c'est se rapprocher de l'ONU, puis se rapprocher de l'ONU, c'est se rapprocher des États-Unis. C'est un peu ça aussi qui est dans l'équation. En fait, l'équation même, on pourrait la mettre à deux ou trois niveaux. D'abord, oui, aller aux Nations Unies, c'est une manière de s'ouvrir sur le monde, de développer des liens avec d'autres États. C'est une manière aussi d'achever peut-être ce processus d'éloignement de l'Empire britannique qui a commencé déjà au cours de la Première Guerre mondiale. Mais aussi, l'idée des Canadiens, c'est de dire, si on est dans une organisation internationale dans laquelle il y a des règles claires, où il y a des manières de prendre des décisions, même une grande puissance comme les États-Unis ou l'Union soviétique doivent se plier à ces règles-là. Donc, en même temps, c'est une manière de faire un contrepoids aux États-Unis aussi. Oui. C'est une manière de se donner une forme d'une indépendance sur la scène internationale. Et cette nouvelle politique qui correspond à cet âge d'or, on va appeler ça la vision derrière cette politique, l'internationalisme libéral. Comment résumer cette vision-là? L'internationalisme libéral est une conception de la place du Canada dans le monde qui reposerait, disons, sur trois ou quatre piliers. Le premier, c'est qu'on identifie le Canada comme étant une puissance moyenne. Ouais. Évidemment, une puissance moyenne, c'est-à-dire que c'est un État qui n'est ni une grande puissance ni une petite puissance, mais ça veut surtout dire d'abord que c'est un État qui a des intérêts internationaux importants, mais qui n'a pas seul la capacité de les défendre. Donc, il doit engager des relations avec d'autres États. Mais c'est aussi une manière de rappeler au reste du monde que le Canada n'est pas un acteur négligeable. Oui. On ne peut pas faire sans le Canada, si vous voulez. Deuxième élément, le Canada est fermement ancré dans le camp occidental. Oui. C'est un État donc, qui est aligné sur les États-Unis, sur les États européens, et il n'y a pas question de neutralité ou de quitter ce giron-là. C'est un État aussi qui a des responsabilités, c'est-à-dire qu'il doit contribuer. Il ne peut pas rester simplement en retrait et espérer que les Américains ou les Européens régler les problèmes du monde. Il doit donc contribuer de manière active à maintenir la stabilité du système international. Et finalement, le dernier pilier, c'est celui qu'on mentionne, celui des organisations internationales. Ouais. La stratégie de l'internationalisme libéral, c'est d'aller dans le plus grand nombre d'organisations internationales possible. Et parfois même, puis on va y revenir dans un instant, on va y venir dans un instant, parfois même de participer activement à la création de certains de ces organismes internationaux, organismes onusiens la plupart du temps. On entendait dans l'extrait qu'on vient juste d'entendre il y a quelques minutes, Dale Thompson parler de l'importance qu'aura Louis Saint-Laurent dans ce grand réveil de la diplomatie canadienne des années d'après-guerre. Il ne sera pas tout seul, évidemment. Je pense qu'il faut dire qu'il y a une nouvelle génération de diplomates qui va être associée, un changement de la garde qui va être associée à cet âge d'or. Là, qui fait partie de cette équipe du tonnerre de la diplomatie canadienne? Il faut comprendre que la Deuxième Guerre mondiale a permis au Canada de devenir une puissance militaire. En fait, il y a un moment dans l'histoire du Canada où le Canada pouvait être considéré comme une puissance militaire, c'est au cours de la Deuxième Guerre mondiale, à la toute fin de la guerre. Mais aussi, ça veut dire que les Canadiens établissent des relations avec plein d'autres gouvernements. Ils doivent être présents dans les différentes formes de décision. Donc, il y a toute une série de diplomates qui arrivent. Donc, le ministère des Affaires étrangères grossit de manière exponentielle au cours de la guerre. Et il y a plusieurs figures qui vont se démarquer, qui vont arriver avec des idées nouvelles. J'entendais M. Thompson mentionner Norman Robertson. Il y a des gens comme Scott Reed, Hume Wrong, Vic Demers, John Holmes. Et la figure qui va rester la plus importante, c'est celle de Lester Pearson, qui est sous-ministre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui va être aussi brièvement ambassadeur aux États-Unis. Et Louis Saint-Laurent aussi est important dans cette équation-là. Louis Saint-Laurent, en fait, joue un rôle clé dans la mesure où Mackenzie King, donc son prédécesseur, celui qui a dirigé le Canada tout le long des années 30 et pendant la guerre, Mackenzie King, effectivement, était plutôt sceptique par rapport à cette nouvelle vision de la place du Canada dans le monde. Et c'est lorsque Louis Saint-Laurent devient ministre des Affaires étrangères en 1948 qu'il fait sien ces idées qui sont en train de s'installer parmi les diplomates canadiens. Il devient, si vous voulez, le porteur. Ouais. Il va laisser des gens comme Pearson prendre toutes les initiatives qui permettent de mettre en place cette vision de la place du Canada dans le monde. Un exemple très concret de la mise en place de cette vision, c'est la création de l'OTAN en 1949. Lester B. Pearson va jouer un rôle central dans la création de l'OTAN. On écoute à ce propos Paul-Henri Spaak, qui a été secrétaire général de l'OTAN de 1957 à 1961. Il en parle dans une entrevue qu'il accorde en 1968. Il a joué dans l'Alliance Atlantique, au Conseil Atlantique, un rôle vraiment très important. Bon, c'était un homme sage, un homme raisonnable, qui, dans les controverses qui pouvaient surgir, apportait toujours un élément de pondération et de modération. Et bien souvent, des controverses sont terminées grâce à son intervention. Il avait là, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, au Conseil, une véritable influence, une influence aussi grande que celle que pouvaient avoir les ministres des plus grands pays. Et c'est si vrai que quand on a dû, à un moment donné, penser à réformer l'OTAN, à chercher de nouvelles formes d'action, il a été l'un des trois sages, avec M. Lang, le ministre de Norvège, et avec M. Martineau. Et le document qu'à trois, ils ont finalement rédigé et publié, qui a été pendant des années la charte de l'Alliance Atlantique, est un document vraiment très bien fait, très audacieux, bien pensé et qui à ce moment-là représentait tellement bien les idées de l'ensemble de l'Alliance qu'il a été adopté à l'unanimité. Alors, quelle importance va avoir la création de l'OTAN? Est-ce que va devenir l'OTAN aussi? Mais quelle importance ça va avoir pour la politique étrangère canadienne, Stéphane Roussel? L'Alliance Atlantique, qui est créée en 1949 et qui donne naissance à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, l'année suivante, en 1950, C'est le deuxième grand pilier de la politique étrangère canadienne, après l'ONU. Et d'abord, il faut voir que l'OTAN est né d'une grande déception. Les Canadiens avaient misé énormément sur l'ONU et d'abord, ils ont été très déçus de voir que les grandes puissances s'arrogeaient un droit de veto et un siège permanent au Conseil de sécurité. Et aussi, le Conseil de sécurité, dès les années qui suivent la guerre, est paralysé par ce veto soviétique et américain bloquant mutuellement leurs initiatives. Ouais. Les Canadiens, et un personnage en particulier, Scott Reed, va arriver avec cette idée de dire, ben, pourquoi nous, les Occidentaux, on ne se regrouperait pas dans une organisation semblable à l'ONU, mais à l'échelle occidentale, et on ne serait pas paralysé par les Soviétiques. Et Reed avait vraiment des idées qui étaient, on pourrait dire, audacieuses ou osées jusqu'à un certain point, parce qu'à l'époque, ce qu'il avait proposé, c'était ce qu'il appelait une communauté nord-atlantique, qui, si on l'avait mis en place, ressemblerait aujourd'hui à l'Union européenne, comprenant le Canada et les États-Unis. Ouais. Donc, c'est vraiment cette vision qu'il avait. Naturellement, elle va être mise de côté, mais les Canadiens vont se battre très fort pour essayer de faire triompher cette vision-là. Il reste encore aujourd'hui quelques éléments, si vous voulez, qui découlent de ça. Et c'est important parce que ça donne, donc, puisque l'ONU, le Canada, avait une voix qui était, comment dire, timorée, on n'avait pas pleine voix au chapitre, on n'était pas dans le Conseil de sécurité. L'OTAN, c'est une structure parallèle, encore une fois, qui cherche à donner plus de poids à la voix canadienne dans le monde. Un autre dossier incontournable quand on parle de Lester B. Pearson, quand on parle de cet âge d'or de la politique étrangère canadienne, c'est évidemment la crise de Suez en 1956. C'est le Canada, avec l'idée de la création des casques bleus, qui va permettre le dénouement de cette crise. On écoute à nouveau un extrait du documentaire de Tina Villioen pour éloigner les éléphants. M. Saint-Laurent, il a envoyé M. Pearson à New York, aux Nations Unies, où il y avait un débat sur la question, avec instruction d'insister que les Britanniques et les Français se retirent de cette région au plus tôt. Notre délégation soumet à l'Assemblée une courte résolution pour mettre sur pied, avec le consentement des pays concernés, une force internationale d'urgence pour assurer la fin des hostilités. To secure and supervise the cessation of hostilities. C'est arrivé à un moment où nous nous interrogions sur notre rôle dans le monde, où nous étions de plus en plus inquiets de faire partie d'une alliance dirigée essentiellement par une puissance majeure. C'était rassurant et réconfortant de sentir que nous pouvions, nous, faire quelque chose. Extrait du documentaire « Pour éloigner les éléphants ». Vous entendiez dans cet extrait le secrétaire de Louis Saint-Laurent, Dale Thompson, suivi de Lester B. Pearson dans ce fameux, célèbre discours devant les Nations Unies où il demande la création des casques bleus, suivi enfin de John Holmes, qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Quel rôle joue le Canada dans cette fameuse crise de Suez en 1956, Stéphane Roussel? On en a déjà parlé ici à l'émission, c'est un rôle central que Lester Pearson va jouer. D'abord pour dénouer la crise et permettre aux Français, aux Britanniques qui sont empêtrés dans la crise de Suez de pouvoir se retirer sans perdre la face. Et ça va faire naître une institution qu'on appelle les casques bleus, donc des forces d'interposition qui, avec l'accord des parties en conflit, peuvent s'installer entre les deux et créer un climat de négociation. Donc, cette formule-là va être utilisée très, très fréquemment par la suite. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ça naît aussi d'une autre grande déception des Canadiens. C'est-à-dire que lorsque l'ONU est mise en place, lorsqu'on rédige la Charte des Nations Unies, on prévoit que l'ONU va avoir ses propres forces armées pour faire respecter la paix internationale. Or, cette partie de là, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies ne sera jamais appliqué. Et donc, si vous voulez, les casques bleus, c'est un espèce de mauvais substitut au chapitre 7. Et la crise de Suez, c'est le prétexte, c'est quand même habile de la part du Canada, de la part de Lester B. Pearson. La crise de Suez, c'est le prétexte qui va permettre au Canada de ramener de l'avant cette vieille idée d'une force internationale. Exactement. Ouais. Et aussi, les Canadiens font quelque chose d'extrêmement important. Pour eux, c'est extrêmement important de garder cette union entre les États-Unis et la France Angleterre, qui sont ses principaux alliés et sur lesquels repose l'Alliance Atlantique. Donc, en trouvant cette solution, il permet à ses alliés de se réconcilier. Et quelle importance ça a, la création des casques bleus, pour un pays comme le Canada, concrètement? En fait, concrètement, je vous dirais, c'est surtout le symbole qui est important. Ouais. Les Canadiens se retrouvent dans cette vision du maintien de la paix, à tel point même qu'on pourrait dire en souriant que les Canadiens ont fait de la paix une espèce de produit d'exportation ou encore une marque de commerce. Parce que les Canadiens peuvent dire au reste du monde, regardez, nous, comme on est bon, on a réussi à faire la paix entre nous, chez nous, entre anglophones, francophones, et avec les Autochtones, tout ça. Donc, on peut maintenant donner donner des leçons au reste du monde. Il y a un côté moraliste un peu. Mais les Canadiens se retrouvent là-dedans. Les Canadiens aiment se percevoir comme les champions du maintien de la paix. Ça leur permet de se démarquer des États-Unis et ça leur permet de se doter d'une identité qui est propre, même si cette identité, elle est largement exagérée. Sur le plan du désarmement nucléaire, le Canada, là aussi, va répondre présent très, très rapidement et ça va faire partie également de cet âge d'or de la politique étrangère canadienne. Oui, tout à fait. Et on tend à l'oublier en grande partie parce que les négociations sur les armes nucléaires ne progresseront à peu près pas. Il faut attendre la fin de la guerre froide en 1990 pour avoir de véritables progrès en cette matière-là. Mais n'empêche que les Canadiens sont présents autour de la table dans les négociations de Genève où on propose au tout début de se débarrasser complètement des armes nucléaires. On est présent aussi plus tard lorsqu'il s'agit de trouver des solutions techniques aux problèmes que pose la vérification des accords de désarmement. Mais malheureusement, et le Canada aussi, il faut dire, avait une carte à jouer. C'est un des très rares pays qui avait tous les moyens de se doter lui-même d'armes nucléaires auxquelles il va renoncer volontairement. Les Canadiens peuvent donc arriver en disant « Mais nous, on s'est débarrassé de nos armes nucléaires. » C'est aux autres de le faire aussi. Ça se termine, en principe, cet âge d'or, ce supposé âge d'or de la politique étrangère canadienne en 1957 avec l'élection de John Diefenbaker, le conservateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui change tant quand John Diefenbaker prend le pouvoir? D'abord, il faut voir que les conservateurs ne sont pas habitués d'être au pouvoir. Donc, c'était des gouvernements libéraux depuis presque le début de la Confédération. Il y a eu quelques gouvernements conservateurs au début, mais les conservateurs, lorsqu'ils arrivent, ils gagnent l'élection de 1957. C'est comme s'ils ne savaient pas trop quoi faire en matière de politique étrangère, et Diefenbaker va accumuler les gaffes, les erreurs, notamment en ce qui a trait à la signature de l'entente sur le NORAD, le système de défense nord-américain. Et le Canada va commencer graduellement à perdre de son lustre international et cette activité qu'on avait vue dans l'après-guerre tend à diminuer. En partie, pas tellement à cause de Diefenbaker que par le fait que après la guerre, il y a plein d'institutions qu'on doit créer. Ces institutions-là sont créées donc dans les années 40 et le système, il est mis en place au moment où Diefenbaker arrive au pouvoir. Donc, il y a moins de possibilités de prendre des initiatives que ses prédécesseurs. Oui. Un mot en terminant sur ce qui appartient au mythe et ce qui appartient à la réalité quand on parle de cet âge d'or de la politique étrangère canadienne, parce que au moins partiellement, en tout cas, c'est remis en question par certains universitaires, par certains analystes. Qu'est-ce qui appartient au mythe et à la réalité quand on parle d'un âge d'or comme celui dont on vient de parler? Ce qui appartient à la réalité, je vous dirais d'abord que, oui, les Canadiens avaient vraiment une influence sur la scène internationale. Ils ont aussi profité du fait que les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, sont complètement épuisés, qu'ils ne peuvent pas exercer la même influence. Donc, oui, il y a une influence réelle. Oui, les Canadiens contribuent de manière significative à la création des organisations internationales. Par contre, parce que j'ai prononcé le mot plusieurs fois durant l'entrevue, c'est une suite de déceptions. Ouais. C'est-à-dire que, oui, on a une influence, mais les résultats ne sont pas ceux qu'on souhaite. Ouais. L'ONU qui est créée en 1945 n'est pas exactement celle que souhaitent les Canadiens. L'OTAN, l'Alliance Atlantique et l'OTAN qui sont créés en 1949-1950, ce n'est pas ce que voulaient les Canadiens. Donc, l'histoire évolue dans un sens qui n'est pas exactement celle qu'on aurait voulu. Donc, une grande participation du Canada dans cette redéfinition des grandes règles et des institutions internationales, mais avec des résultats qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on souhaitait. Une chose qu'on peut dire aussi, c'est que l'internationalisme libéral, il est encore très, très, très présent aujourd'hui. On l'a entendu avec Justin Trudeau au début de l'émission, mais cette vision ne trouve presque pas d'alternative dans l'esprit des Canadiens. L'internationalisme libéral, c'est comme la seule voie qui s'ouvre au Canada. Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Québec et du Canada, professeur à l'ENAP. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.